Troisième partie, chez le dentiste. Asseyez-vous, monsieur. Là, dans ce grand fauteuil? Oui. Mais... Soyez calme, monsieur. N'ayez pas peur, voyons. Je peux fumer? Non, monsieur, pas en ce moment. Dans une demi-heure. J'ai eu une fois un dentiste affreux. Mais moi, je suis un dentiste excellent. Allez, venez, monsieur.